De l'absinthe dans le sang, du béton dans les dents, saliva et source de plaisir, mon adoré santé. De la drogue dans les veines, sortir ce soir. Avec qui, si je le comment je le suis, plus jamais t'avoir sur le dos. Quand je le veux, de l'absinthe dans le verre, sans femme, vivre seul ma propre vie. Célibat, mon grand amour.